papa, qu'est-ce qu'on fait dimanche? On va pas encore voir mamie. Oh. Mais si, mon grand, c'est évidence, elle nous attend depuis lundi. Oh. Non, chaque semaine, c'est la même chose. La bouteille d'eau, le bouquet de roses. Et on n'a même pas le droit de courir pour pas déranger les voisins. Papa, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Tu préférerais pas un ciné? Oh. Pas de ma faute si malchance, elle ne peut plus se déplacer. Oh. Allons, allons, mon petit bonhomme. Elle s'occupait de toi tout petit. Tu n'étais que haut comme trois pommes. Elle essuyait tes pipis au lit. Ça va, j'ai bien compris. Ça fait 25 ans que tu me le dis. Oh. Mais après tout ça, j'ai grandi. Et d'aller la voir, ça m'ennuie. Oh. Depuis qu'elle a déménagé, on reste dehors même sous la pluie. Elle ne peut plus nous faire entrer. Y'a tout juste la place pour Pépé. Tu sais bien que moi aussi je l'aime, mais tu crois que ça lui fait plaisir de te voir pareil chaque semaine, pleurer au moment de partir. Oh. Je regrette, je ne l'ai pas vu vieillir. C'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. Tu sais, moi aussi, mon petit, je préférais quand elle était en vie. Mamie.